Bonjour, ici Valérie Levé et François Grégoire. Vous écoutez Futur Simple, édition spéciale Radioton 2017. Émission spéciale de Futur Simple qui fête cette année ses 20 ans d'existence, une belle longévité pour une émission de science. Et pour souligner cet anniversaire, nous avons concocté une émission spéciale Radioton sur un sujet palpitant. Les rencontres amoureuses, la sexualité et la reproduction, ressemblance et dissemblance chez l'humain et chez les animaux. Et pour savoir si les humains et les animaux se font la cour et l'amour de la même façon, voici nos deux invités. Oui, alors Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie et de l'Université Laval, et chroniqueur régulier à Futur Simple. Bonjour Cyril. Bonjour à vous deux. Et le biologiste et le raconteur d'histoire, Boucard Diouf. Bonjour Boucard. Bonjour. Alors, nous avons 1h30 pour comparer les relations amoureuses chez les humains et chez les animaux, et on va segmenter la réflexion en trois thèmes. Avant, pendant et après. C'est-à-dire le choix du partenaire, l'acte sexuel et la reproduction. Pour 1h30? Dans 1h30, effectivement. C'est, on a le temps. Même avec l'après, c'est beaucoup. Mais on a beaucoup de questions aussi. Alors, on va commencer avec le premier thème, c'est-à-dire celui du choix du partenaire. Alors, qui choisit, le mâle ou la femelle? Chez l'humain, on sait comment ça se passe. Le choix peut se faire de différentes façons, selon la culture et la religion. Mais chez les animaux, qui choisit? Alors, je pense aux parades sexuelles des oiseaux ou aux combats de mâles chez certains mammifères. Alors, Cyril Barrette, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très clair chez les animaux, c'est la femelle qui choisit. Parce que la femelle, disons la femelle pour le moment, en incluant la femme, c'est la femelle qui investit le plus dans la reproduction. Le mâle investit très, très peu. Donc, la femelle constitue une ressource importante pour le succès reproducteur des mâles. Donc, le mâle recherche la quantité, si on veut simplifier, le mâle recherche le nombre de partenaires parce que, étant donné qu'il investit très peu dans la progéniture, il peut se permettre d'avoir plusieurs partenaires. Donc, son succès reproducteur dépend du nombre de partenaires qu'il peut servir, alors que la femelle, son succès reproducteur dépend des ressources qu'elle peut consommer. Donc, la femelle est très méticuleuse pour choisir le bon partenaire, pour s'assurer d'avoir une grande qualité génétique, une grande qualité physique et un pourvoyeur pour sa progéniture. En général. En général. Oui. L'autre raison pour laquelle je suis d'accord avec Cyril, c'est la femelle qui choisit, c'est que l'œuf de la femelle, l'ovocyte ou l'ovule, appelons-le, nécessite un investissement qui n'est pas la même chose que fabriquer des spermatozoïdes. Là. Un spermatozoïde, c'est une coquille vide, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Un ovocyte, c'est la femme, à titre de comparaison, c'est 4000 fois la taille d'un spermatozoïde. Ça fait que nous, on fabrique, dans chaque éjaculat, on peut trouver entre 300 et 500 millions de spermatozoïdes. Puis ça, c'est théoriquement, je dis théoriquement parce qu'il y en a beaucoup qui sont déficients des spermatozoïdes, mais théoriquement, on pourrait féconder suffisamment de femelles pour fonder non pas une famille, mais un pays au complet. Donc, si quand on n'investit pas tant que ça dans et qu'on en a autant, si on peut se permettre de les gaspiller, si quand on calcule, on regarde la femme, le nombre d'ovocytes qui arrivent vraiment à devenir des ovules fécondables, il n'y en a pas beaucoup, c'est 400 là, dans une ville. Là. Quand ça commence, c'est que ça finit, ça commence à finir. Mais lorsqu'il y a des combats de mâles, par exemple chez certains mammifères, est-ce que la femelle a vraiment le choix? Parce que dans le fond, il y a un mâle qui s'impose plus que les autres. Ben ça, c'est la fameuse théorie de la sélection sexuelle de Darwin. Hein? C'est, je veux dire, la femelle choisit le mâle qui semble, on pourrait dire à ses yeux, disons, mais porteur de des meilleures qualités de gènes, celui qui chante le plus fort, qui a le panache le plus gros, qui a les couleurs les plus vives. Mais ça a été démontré aussi que c'est pas tout parce que tu es fort, tu es grand, tu chantes fort, que c'est toi qui vas être celui qui va féconder la femelle. C'est pas toujours le cas. Mais ça veut dire qu'il y a deux modalités de choix. Il y a un choix actif, comme celui qu'on est en train de décrire, c'est-à-dire que la femelle, ça se passe jamais aussi simplement que ça, mais la femelle observe les mâles et choisit celui qui a, chez le paon, par exemple, qui a la traîne la plus développée, qui est capable de l'ériger, l'orignal qui a le plus grand panache. Mais il y a surtout un choix passif. C'est comme dans la vieille chanson québécoise, là, j'ai pas choisi, mais j'ai pris la plus belle. C'est un peu ce qui se passe. La femelle ne choisit pas, mais elle prend le gagnant du combat. Donc, il y a un combat entre les mâles. Celui qui gagne, bien, la femelle l'accepte parce que le fait d'avoir gagné démontre sa supériorité sur l'autre. Donc, pour elle, c'est un bon géniteur. Ça garantit que ses fils vont retenir de leur père et ses filles vont avoir la vigueur du père. Donc, c'est un choix passif. Elle choisit celui qui a gagné. Et après, il y a la compétition. Parce que chez beaucoup, beaucoup d'espèces, même si la femelle choisit le mâle le plus fort, il y a beaucoup d'espèces où les femelles peuvent activement sélectionner le sperme puis dire « ce ne sera pas toi, Jean-Pierre, parce que j'ai pas le goût ». Les canards sont un exemple classique où l'appareil reproducteur a des diverticules qui font que la femelle, même si tu es très fort, puis tu envoies ton sperme, la femelle peut décider « je vais rediriger le sperme de François vers le diverticule numéro 2 ». Et une fois qu'il est parti, je contracte tout ça, je le jette dehors. Alors, il existe aussi ce qu'on appelle la compétition des spermes chez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces, surtout chez les invertébrés, où le mâle le plus fort peut décider, peut s'accoupler avec la femelle, mais d'autres mâles satellites peuvent aussi s'accoupler, et ce n'est pas parce que tu es fort que tes spermatozoïdes vont gagner la compétition dans les tracts génitales de la femelle. Et donc, du coup, il y a plein de cas de figure où des mâles satellites, des mâles plus faibles, des mâles moins forts vont, et d'autres, c'est un peu réducteur comme terme de dire ce sont des travestis, mais il y a des mâles qui se travestissent, qui vont chanter comme les femelles juste pour berner le mâle dominant. Et c'est eux qui fécondent. Les tacons précoces chez les saumons, c'est un exemple. On parle chez les animaux, puis on semble avoir des comportements qui sont quand même assez précis. Bon, la femelle va, lors d'un combat, la femelle va regarder qui, le mâle qui va gagner le combat, puis finalement elle va un peu se soumettre au mâle. On a l'impression que chez les humains, le comportement est beaucoup plus ouvert, ce qui permet un choix un peu plus mutuel. Il y a plus de liberté à l'homme et à la femme de se choisir un peu plus mutuellement, non? J'hésite parce que parler des animaux, ça va très bien, Boucard. On a senti qu'il y avait un petit blanc. Ben, tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle Facebook ces temps-ci. Tu vas le savoir à l'instant présent ce que tu vas avancer. C'est sûr que chez l'humain, tout est plus compliqué parce qu'en plus de ce qu'on appelait dans le passé les instincts, donc chez les autres animaux, on voit des instincts, c'est-à-dire des programmes génétiques hérités des ancêtres que les animaux expriment sans y penser, si on veut, involontairement, à leur insu. Ça existe aussi chez nous, mais chez nous, il y a toutes les épaisseurs de culture par-dessus qui et le mot-clé que tu as utilisé dans ta question, c'est le mot liberté. Chez nous, grâce à la liberté, on peut exprimer les programmes génétiques passés de toutes sortes de façons. Ces programmes sont toujours là. Par exemple, chez toutes les autres espèces, ce qui compte, c'est le succès reproducteur. S'il y a des actes sexuels, c'est pour assurer la reproduction. Mm-hmm. Chez nous, on a les mêmes motivations pour la libido, pour l'attraction du sexe opposé, par exemple, même si on fait tout pour éviter la grossesse. Donc, c'est les mêmes programmes qui s'expriment, mais par liberté, on est capable de court-circuiter l'ancien programme. Mais il est toujours là. J'aime bien utiliser l'expression « les gènes qui murmurent ». Les gènes sont toujours chez nous et continuent de murmurer. On les entend. On n'est pas obligé d'obéir, mais ils sont toujours là. C'est les mêmes programmations génétiques que chez nos ancêtres. Moi, j'aime bien le murmure des gènes de Cyril. Je le cite peut-être une fois tous les mois. Les gènes qui murmurent, et on a le choix de mettre des silencieux sur les gènes ou de les écouter. Et il dit, Cyril le dit aussi, des fois, il dit, ben, pour ceux qui laissent le murmure s'exprimer trop fort, ben, on a les prisons puis les chartes. Et tous ceux qui restent pour dire, non, l'humain est un animal culturel aussi. Le cerveau, le cerveau humain, c'est 2% de la masse du corps et ça consomme 20% de l'énergie, c'est. Alors donc, et c'est un organe qui est tellement puissant qu'il s'est affranchi un peu même des gènes. Donc, on ne peut pas transposer ce qu'on raconte chez les animaux, chez l'humain. L'humain, il doit beaucoup à l'apprentissage, à la culture. Mm-hmm. Mais comme dit Cyril, ça ne veut pas dire que la génétique est partie. Les parades nuptiales, quand on regarde un gars qui s'intéresse à une fille, et qui s'approche de la fille, et tu regardes certains oiseaux en parade nuptiale, tu vois qu'on n'a pas inventé grand-chose. C'est ça. C'est un héritage que nous, qui vient de très loin, et puis les techniques d'approche et tout le reste, ça existe. C'est les mêmes systèmes familiaux aussi chez les animaux que chez les humains. Hein. Oui, les parades chez l'humain, ça en est risible. On voit ses instincts, particulièrement dans les bars à 2 heures du matin. Ouais. Je suis jamais allé, mais j'ai lu là-dessus. Mais moi, j'ai vu quelqu'un qui pissait autour du bar pour délimiter son territoire. C'était un Rimouski, ça. Oui, mais là... ça arrive des fois. Ben moi, j'ose espérer que nous avons quand même quelque chose d'animal. Même si nos gènes murmurent et qu'on est capable de les mettre au silence, je crois que tout ce qu'on voit chez les animaux, il y a des traces de ça qui restent quand même chez l'humain. Et la polygamie existe. Moi, mes parents, mon grand-père était polygame, mon père est un polygame. Quand Cyril parlait tantôt des partenaires multiples pour les mâles, ça existe. Hein? Mm-hmm. C'est pas la monogamie chrétienne, c'était pas la règle sur cette planète là avant les entreprises coloniales. Tous les systèmes familiaux qu'on retrouve dans le monde animal existaient chez les humains. Mm-hmm. Ça comprend la polygamie, la possession d'un harem, ça existait. La polyandrie existait dans certaines sociétés humaines. Une femme mariée à 3 hommes, ça existait chez les Abbassis au Nigeria. Une femme mariée à 40 personnes chez les Bayilélé dans le Kasaï occidental en République démocratique du Congo, ça existait. Et si vous lisez les bouquins de Paul Beckman, l'anthropologue américain en Amérique du Sud, vous allez voir que tout ce qu'on voit chez les animaux existe. Et si on n'avait pas toutes les prisons, la police et tout... Les murmures de Jeanne, de Cyril, ça reviendrait assez vite. Ce serait plus que des murmures, là. Oui, c'est des hurlements de Jeanne. Ouais. Et jusqu'à maintenant, on a parlé du choix de l'autre, en considérant que l'autre était forcément du sexe opposé. Oui. Mais chez l'humain, ce n'est pas toujours le cas. L'homosexualité existe. Alors, oui. Est-ce qu'on connaît des cas d'homosexualité chez les animaux, Cyril Barrette? Oui. On prétend, il y a des publications qui prétendent qu'on a observé des gestes homosexuels chez 450 espèces d'animaux, en dehors de l'humain. Mais à ma connaissance, et là on pourrait vérifier, on ne connaît aucune espèce où on observe l'homosexualité exclusive, comme on la voit chez l'humain. C'est-à-dire que chez toutes les espèces où on voit des gestes homosexuels, les individus qui pratiquent cette homosexualité, éventuellement, quand l'occasion se présente, vont se reproduire. Oui. Donc, il y a des conditions particulières qui font qu'il y a des gestes d'homosexualité chez les animaux. Oui, deux cas que je peux citer, par exemple, c'est l'espèce de chimpanzé qu'on appelle le bonobo. Chez les chimpanzés réguliers, les conflits entre les individus se règlent par la dominance, par l'agression. C'est le plus gros, le plus fort. Les mâles dominent les femelles. Chez les bonobos, ça se règle par le sexe. Aussitôt qu'il y a un conflit pour l'accès à la nourriture, pour le soin d'un jeune, pour le choix d'un espace de repos, Il y a presque toujours un geste sexuel entre les individus pour apaiser l'autre, pour s'en rapprocher, pour éviter l'agression. Mais ces individus-là qui pratiquent ces gestes, d'abord sont surtout des adolescents, mais ça arrive aussi chez des adultes. Mais même ces adolescents ne restent pas homosexuels toute leur vie. Quand l'occasion se présente, ils deviennent hétérosexuels et ils se reproduisent. On dit autrement, on comprend très bien que on n'a pas besoin d'une théorie spéciale, sauf celle de Darwin, pour expliquer l'hétérosexualité. C'est-à-dire qu'une espèce qui ne serait pas hétérosexuelle ne pourrait pas exister plus qu'une génération, puisqu'elle ne laisserait aucun descendant. Ben, en réalité, moi, je crois que pendant longtemps, les biologistes, nous les biologistes en général, je pense qu'on a accordé beaucoup de choses aux gènes. C'est vrai que les gènes sont quelque chose d'assez fondamental. Tout a commencé avec les gènes. Et la théorie de la sélection sexuelle de Darwin est beaucoup basée sur le plus fort. On transmet les gènes. On passe par des chemins de contournement, mais l'important, c'est de transmettre les gènes. Puis moi, récemment, j'ai découvert les travaux de Johan Rofgarden, que tu connais. C'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité dans le milieu de la biologie. Il a écrit un premier bouquin qui s'appelait « L'arc-en-ciel de l'évolution ». Johan Rofgarden, c'est un transgenre. C'était un gars avant. Puis les études dont parlait Cyril sur les animaux justement qui pratiquent l'homosexualité, on leur doit beaucoup à Johan Rofgarden parce qu'il y avait un regard différent sur la sexualité animale à cause de ce qu'il est. Puis on le voit dans la biologie de toute façon. Quand les femmes ont commencé à observer les singes, on s'est rendu compte que c'est complètement différent de ce que les gars voyaient. Ouais. Mais maintenant, quand tu Ruth Gordon est rentré dans la biologie de l'évolution et sa façon de regarder, parce que quand ces hétérosexuels qui regardaient deux singes ou deux boucs ou deux girafes, parce que tout ça, les relations homosexuelles existent, quand ils assumaient tout de suite que c'est une femme, une femelle puis un mâle, et lui a dit mais non, faut regarder ça de très près. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est ça? Et du coup, il a trouvé que plein d'exemples comme ça de d'homosexualité, et je suis d'accord avec Cyril, c'est pas des l'homosexualité, comment je pourrais dire ça, exclusive. Mais il reste que moi, les travaux de Johan Ruth Gordon me touchent beaucoup. Puis il a écrit un dernier bouquin qui fait un parallèle avec. Ça s'appelle la sélection. J'ai le bouquin chez moi. Et donc, lui, s'acharne beaucoup sur la théorie de la sélection sexuelle de Darwin en disant le sexe, c'est pas juste pour transmettre les gènes dans le monde animal. C'est aussi des façons de fraterniser, de nouer des liens. C'est pas juste un combat pour transmettre ces gènes. Et du coup, moi, en lisant son bouquin, je me suis dit, c'est extraordinaire parce que l'homosexualité s'inscrit totalement dans lui, sa vision, beaucoup plus que dans la vision de la sélection sexuelle de Darwin. Ça fait que moi, ça existait chez lui, chez les plein de tribus africaines où l'homosexualité, les mariages gays existaient bien avant que l'Occident le découvre. Ça, on le dit pas souvent. Tu es allé au Nigeria, les femmes mariées des femmes, ça existe. Tu es allé en République démocratique du Congo, les hommes mariés des hommes, ça bien avant les. Et c'était accepté? C'était accepté, bien avant les entreprises coloniales. En fait, l'homophobie, c'est les entreprises coloniales qui l'ont amené en Afrique, en grande partie. Mais à certaines traditions où il était connu, tu sais. On va poursuivre justement chez les humains, parce que bon, chez les animaux, principalement, la rencontre du partenaire, le mâle, la femelle, se choisissent pour se reproduire. Mais chez les humains, c'est pas tout de suite pour se reproduire. Finalement, on choisit des fois parce qu'on veut vivre ensemble. Oui. Et puis, plus tard, éventuellement, il y aura un désir d'enfant, mais c'est pas toujours le cas. Donc là, finalement, c'est comme si la reproduction était presque secondaire dans le choix de l'autre, parfois, chez les humains. Oui, oui, chez l'humain, un peu de la même façon que Booker indiquait, chez l'ensemble des animaux, si on regarde l'ensemble des animaux, on va trouver une très grande diversité. On va trouver tous les modèles qu'on est capable d'imaginer. Et chez l'humain, grâce à ce qu'on discutait tantôt, grâce à la liberté individuelle, on s'est émancipé dans une très large mesure de la sélection naturelle. La loi numéro un de la vie ou de l'évolution ou de la sélection naturelle ou de la nature, c'est la reproduction. Alors que nous, on s'est émancipé dans une très large mesure. Donc, non seulement on est capable d'avoir des relations sexuelles sans grossesse, mais dans la grande majorité des cas, les relations sexuelles ne mènent pas à la grossesse. Mais ça, c'est une question de liberté. Il y a seulement nous capables de faire ça, à ce point-là. Donc, on a d'autres raisons de se rencontrer. Le livre dont j'essayais de rappeler tantôt s'appelle « La sélection sociale ». Donc, à la place de la sélection sexuelle de Darwin, Ruth Gordon propose la sélection sociale. Et donc, dans sa façon de voir la chose, l'homosexualité et toutes les pratiques sexuelles qu'on dit marginales s'inscrivent là-dedans. Donc, c'est pas juste le gène qui est au centre et la transmission des gènes. T'sais. Puis, moi, je crois que l'humain, c'est une... Je sais pas comment on pourrait le qualifier. Je suis d'accord avec Cyril, c'est totalement à part parce que... Même la notion d'amour, c'est l'amour, c'est l'espèce de grand sentiment. À ma connaissance, je connais pas des animaux où on dit que le sentiment existe. Puis un chimpanzé qui dit Francine, c'est ma préférée là, c'est très rare. C'est. Mais l'humain, c'est un cas à part. Je sais pas. Faudrait peut-être poser la question au bonobo ou au chimpanzé. Ce serait intéressant de connaître leur chien, point de vue. Le chien. Parce que le chien, lui, doit capoter en regardant l'humain, des fois, dans son bungalow, en disant, « Hey, regarde, ils couchent ensemble, puis ils ne font même pas des enfants. » C'est vrai. Oui. Ça sert à quoi? Oui, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il fout, là? Il ne connaît peut-être pas le plaisir. Hein? Il ne connaît peut-être pas le plaisir associé. Le plaisir? Ben, le chien. Ah non, mais le chien doit le connaître. Oui, le plaisir, c'est autre chose. Ah non, les chiens ne connaissent pas le plaisir? Oui, oui, absolument. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Mais c'est plus le grand sentiment, là. C'est chez la grande majorité des espèces, la sexualité, c'est un moment de vulnérabilité. Parce que quand deux zèbres s'occupent à faire la chose dans la savane, ben, ils doivent se dire, hey François, je donne des noms tout le temps là, mais tu ne sors pas con. Ils doivent se dire, dépêche-toi là, parce que les lions sont en arrière là. Ça fait que tu dépêches et tu livres les spermatozoïdes, tu t'assaques ton camp. Ouais. Alors nous, mais on n'a pas de prédateurs, les humains. C'est, on s'est construit des bungalows, puis on peut rester là-dedans, puis étirer la sauce, puis se raconter des histoires, écrire des poèmes. Puis je pense que c'est surtout l'absence de prédateurs qui a catalysé peut-être les parades nuptiales, ce qu'on appelle les parades amoureuses, qui, où les préliminaires sont plus importants que la conclusion. C'est... Mais pas de prédateurs, mais quand même des compétiteurs. Oui. Mais je pense qu'une des, un des grands intérêts de la discussion qu'on a, c'est l'humain est complètement à part. L'humain est un animal produit par les mêmes processus de sélection naturelle que les autres espèces, mais on est devenu autre chose. Donc, c'est d'où la difficulté de nous comparer aux autres espèces. Mais on n'a pas le choix. Pour se comprendre, il faut se comparer aux autres. Ils disent, en fait, il y a quelqu'un, j'ai aimé beaucoup, François l'a dit un jour que c'est entre le bonobo et le chimpanzé, l'humain. Parce que... Alors, on va arrêter la réflexion sur la rencontre amoureuse. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Boucar Diouf et de Cyril Barrette pour parler de reproduction et de sexualité chez les animaux et les humains. Vous écoutez le Radioton 2017 et c'est l'heure d'aller aux encans. Les téléphonistes attendent vos appels. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de l'acte sexuel. Restez à l'écoute, le meilleur s'en vient.